Paralysé, moi pas ça campé, moi pas ça marché, quelle infimité. Aïe, que de moments, moi j'étais me songer, tout mon temps passé, c'est ton vigueté. Après ça me trouver, réviser nos coins, c'est tout mon prochain qu'a plongé la mer. Moi senti faiblesse, parce que pas nourri, la fève tuée, aïe quelle maladie. La nuit sans sommeil m'a fixé le ciel, m'a demandé bon Dieu courage et vos fiel. Moi pas que parents, non plus sans amis, tout ça sans souffrance, bon Dieu qu'elle m'a dit. À la déreste, pour yon jeune garçon, cap m'a de secours, non qu'à dévotion. Moi paralysie, moi pas à marcher, moi pas à camper, quelle infimité. Sans maman, moi sans papa, moi sans secours à la traque. Moi sans maman, moi sans papa, moi sans secours à la traque. Allez l'hôpital, les amis, m'a cherché la vie, les amis, docteur refusé, les amis, pas paralysie, les amis, aïe fait qui me casser, les amis, moi sorti tombé, les amis, moi râlé roulé, les amis, quelle infimité. Yeah.